Catherine Martin son nez, joue pas même c'était ouvert. Jeannot j'allève, pour lui partir en l'emmer. Allez chercher manger. Catherine Martin passé, Jeannot longtemps joue ouvert. En plein midi dans l'emmer, Jeannot car allé filer. Jeannot aimé ça, où t'es joli fait pour ça. Depuis tout petit, il t'es joli ça en lit. Allez chercher manger. Papa lui t'es pêché, c'était un homme plein courage. Il t'es connaître la mer, connaître la couille, j'étais filé. Pas mettre à sécher, pas mettre à sécher.